C'est en créant qu'on est marrant, on est content, pour rire on a le temps. C'est éprouvant d'être trop sérieux, comme rancuneux, ça peut être malséant. Il y a des automates très sérieux, impossible pour eux d'être affectueux. Ce sont des automatons qui vous surveillent, mais leur dissertation va à la corbeille. Voilà donc des cyborgs qui complotent, ils n'ont pas des pensées très humaines. Terminator veut mettre des chaînes au pauvre homme dépassé de la sorte. Ces machines intolérantes, mécaniques et vivantes, ne veulent pas de la séparation des pouvoirs, elles voient tout en noir. Tic-tac dans leur cerveau, tic-tac, ça fait comme un flic-flac. Pas d'âme dans ces machines, il faudrait les mettre à l'usine. C'est en créant qu'on est marrant, on est content, pour rire on a le temps. C'est éprouvant d'être trop sérieux, comme rancuneux, ça peut être malséant.